الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن من الآيات العظيمة والمعجزات الكبيرة الدالة على قدرة رب العالمين وصدق نبوة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حادثة الإسراء والمعراج حصلت هذه الحادثة العظيمة في السنة العاشرة من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم 50 من عمره الإسراء والسير من الليل يقول الحافظ ابن حجر هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس انتهى كلامه رحمه الله وقد ذكرت هاتان الحادثتان في القرآن الكريم وفي حديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أما الإسراء ففي سورة الإسراء قال الله عز وجل في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير في هذه الآية الكريمة إثبات إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان بالجسد والروح إذ ذكر في هذه الآية لفظ الرب ولفظ العبد والعبد لا يطلق عليه إذا كان بالروح فقط فقد أسري به وعرج به فقد أسري به روحا وجسد عليه الصلاة والسلام أما الحكمة من الإسراء منها ما ذكر في هذه الآية ليرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى وفي هذه الآية أيضا أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام أما وقته كان بعد صلاة العشاء كما جاء ذلك في الصحاح وقبل ذلك يا عباد الله نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره ثم غسله بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا ثم أطبقه ثم أخذه والإسراء حصل برفقة جبريل أحسن الملك عليه السلام على دابة اسمها البراق دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فسار به عليه السلام حتى وصل بيت المقدس فصلى في بيت المقدس إماما بأنبياء الله أما العروج يا عباد الله أو المعراج فهي آلة السعود، والمقصود بذلك أنه قد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس من الأرض إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. وذكر الله عز وجل حادثة المعراج في سورة النجم فقال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل عليه السلام، عند سدرة المنتهى، فهي شجرة عظيمة كما قال العلامة ابن سعد رحمه الله تعالى: ينتهي إليها علم الخلق وسعود الأشياء. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه، سماء يرتقي سماء، وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل: من معك؟ فيقول: محمد. فيرحب به ويقال: فنعم المجيء. وفي سماء الدنيا رأى أبانا آدم عليه السلام، وفي الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام. فلما تجاوز موسى بكى، أي بكى موسى عليه السلام، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي عليه السلام. ثم في السماء السابعة رأى إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور، ثم رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورقها كآذان الفيلة، ثم رفع له البيت المعمور يدخل فيها أو فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه. ثم رفعه الله سبحانه وتعالى إلى حيث شاء، وكلمه بدون واسطة ملك، كما كلم الله موسى تكليما. فرض الله على نبينا وعلى أمته 50 صلاة، وفي عودته سأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فأخبره، فقال: إن أمتك لا تستطيع، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله تخفيفا، فوضع الله عنه 10، فما زال يتردد حتى أصبحت 5 بالفعل، 5 صلوات بالفعل بالعدد، و50 في الأجر. وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى بعض ما فيها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة 3 صلوات، ركعتين إلا المغرب 3 ركعات. وبعد الهجرة بقيت كذلك للمسافر ورباعية للمقيم. وفي العودة نزل إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى مكة، ووصل قبل صلاة الفجر، وصلى الفجر بقومه. هذه هي حادثة الإسراء والمعراج التي حصلت في السنة العاشرة من البعثة. قال العلامة عطية بن سالم رحمه الله تعالى ذكر الحكمة من حادثة الإسراء والمعراج فيه غرضان: الأول مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما نال من أهل الطائف، والثاني إطلاعه على الملأ الأعلى وعلى مستقبل الدعوة. أبدل الله عز وجل له خيرا من الطائف ببيت المقدس، ومن أهل الطائف بأنبياء الله. وكانت الحادثة تثبيتا له وبرهانا على صدق نبوته، وتصلية لموت عمه أبي طالب وزوجته الكريمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وهكذا ما حصل من أهل الطائف نؤمن بذلك. ومع ذلك يا عباد الله، لا يشرع لنا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، لأن الله عز وجل لم يشرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به، وهكذا الصحابة الكرام. ألا واعلموا بأن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Parmi les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrant sa toute puissance et le fait qu'il gère tout parfaitement tabaraka wa ta'ala comme il le veut, également parmi les signes de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur et messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Cet événement majeur de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam a eu lieu en l'an 10 après le début de la prophétie. Al-Isra, c'est le voyage de nuit dans la langue arabe. Quant à son sens voulu ici, c'est le voyage du prophète alayhi salatu wa sallam en compagnie de l'ange Jibril alayhi salam de la Mecque jusqu'à la mosquée de l'Aqsa. Et ceci sur une monture qu'on appelle Al-Buraq. Sur une monture qu'on appelle Al-Buraq, qui avait une vitesse impressionnante. À chaque bond, il atteignait la portée de vue. Et ces deux événements ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à Al-Isra, ceci a été mentionné dans le verset de Sourate Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: exempté soit Allah, celui qui de nuit fit voyager son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Dans ce noble verset, il y a l'affirmation de l'Isra, du voyage nocturne pour le prophète alayhi salatu wassalam, et que cela a eu lieu de par son corps et son âme, pas que son âme, car il a été appelé serviteur dans ce verset. Et ceci est approprié pour la personne elle-même, corps et âme, et non pas seulement son âme. On tire également de ce verset que le Isra a commencé de l'Masjid al-Haram, puis les servants divergés. Est-ce que c'était de la maison du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que c'était de la maison de la fille d'Abd al-Muttalib, Ummu Hani, ou bien de la mosquée sacrée, l'endroit où il y a le Kaaba. Cela a eu lieu précisément entre la prière du après la prière du Isha, donc durant la nuit, et s'est terminé avant Al-Fajr. C'est terminé avant Al-Fajr. Mais avant cet événement majeur, il y en a un autre, c'est que Jibril alayhi salam est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a ouvert à nouveau la poitrine. Tout comme cela a eu lieu lorsqu'il était enfant, vers ses 4 ans. Il lui a donc ouvert la poitrine, a lavé son cœur avec de l'eau de Zamzam, l'a rempli de sagesse et de foi, puis l'a recousu. Al-Israël donc eut lieu en compagnie de Jibril, de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, sur une monture qu'on appelle Al-Bura. Le prophète alayhi salat wa salam arrive à Bayt al-Maqdis, Allah azza wa jal lui a réuni les prophètes, et il a accompli la prière. 2 unités de prière en tant qu'imam devant l'ensemble des prophètes. Et tous les prophètes ont été satisfaits de sa position parmi eux. Cela nous montre que c'est le meilleur de la création. C'est le meilleur des prophètes et messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est leur imam à tous et le nôtre. Quant à Hadithatul Mi'raj, l'événement de l'ascension, c'est la montée du prophète alayhi salat wa salam en compagnie de Jibril jusqu'au premier ciel, puis au second, puis au 7e, puis jusqu'à dépasser cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle également de cet événement dans sourate An-Najm. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, c'est-à-dire qu'il a vu l'ange Jibril alayhi salam. À 2 reprises, il l'a vu sous la forme sous laquelle Allah l'a créé. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de Sidratul Muntaha. Ibn Sa'di nous dit que c'est un arbre immense qui se trouve au-dessus du 7e ciel. C'est un arbre immense et on nous mentionne même que ses feuilles sont semblables aux oreilles de l'éléphant. Sidratul Muntaha, c'est donc un arbre, El-Munta, c'est-à-dire l'arrêt. Ibn Sa'd explique cela en disant, c'est-à-dire que c'est l'endroit auquel s'arrête la science des serviteurs. Et c'est l'endroit auquel s'arrêtent les choses qui montent. Et c'est l'endroit duquel descendent les choses qui descendent. Et ainsi que d'autres paroles mentionnées par les pieux prédécesseurs dans le tafsir. Près d'elle se trouve le jardin de l'Marwa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines grandes merveilles de son Seigneur. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous parle de l'Mi'raj et d'une partie de ce qu'a vu le prophète alayhi salat wa salam. Dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, on trouve la mention du voyage nocturne et de l'ascension également. Il est donc monté en compagnie de Jibril, sans Al-Bura, juste avec Jibril alayhi salam, comme Allah l'a voulu. Nous n'avons pas le détail du comment de cela et on y croit. Il est donc monté jusqu'au premier ciel. Au premier ciel, l'ange a demandé à Jibril, ou plutôt Jibril a demandé à l'ange de lui ouvrir. L'ange a demandé à Jibril, est-ce qu'il y a une personne avec toi? Il lui a dit oui, qui est-ce? Mohammed. Il lui a donc souhaité la bienvenue et a dit quelle belle venue. Et au ciel de ce bas monde, il a vu le prophète et père Adam. Il l'a donc salué et Adam l'a salué et il lui a dit que sois la bienvenue mon enfant et le prophète pieux. Mon enfant pieux et le prophète pieux. Arrivé au second ciel puis au troisième, à chaque fois il demandait la permission, il y avait le même échange avec l'ange. Si ce n'est qu'au deuxième ciel, il a vu le prophète Isa en compagnie du prophète Yahya. Au troisième ciel, le prophète Youssouf. Au quatrième, le prophète Idris. Au cinquième, le prophète Haroun. Au sixième, le prophète Moussa. Et lorsqu'il dépassa Moussa alayhi salam, Moussa s'est mis à pleurer. Alors on lui a demandé pourquoi est-ce que tu pleures? Il a répondu car ce prophète a été envoyé après moi, et il y a plus de membres de sa communauté qui entrera au paradis. Allahu Akbar. Moussa alayhi salam s'est mis à pleurer, car il a su que dans la communauté, la nôtre, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura plus d'habitants du paradis que les membres de la communauté de Moussa alayhi salam. Puis il est arrivé au septième ciel et il a vu le meilleur des prophètes après lui, Ibrahim alayhi salam, qui lui a souhaité la bienvenue. Que soit la bienvenue mon enfant pieux et le prophète pieux. Puis, on lui a fait voir des signes. On lui a fait voir ce grand arbre, Sidratul Muntaha. Puis, on lui a fait voir Al-Bayt Al-Ma'mour, la maison peuplée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, entre dans cette demeure 70 000 ans, chaque jour, et ils n'en reviennent jamais. Puis Allah Azza wa Jalla l'a élevé et lui a parlé de vive voix, tout comme il parla auparavant à Moussa alayhi salam, et il lui a ordonné 50 prières. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est redescendu au sixième ciel, Moussa alayhi salam lui a dit, que t'a ordonné ton Seigneur? Il lui a dit, 50 prières pour ma communauté. Il lui a dit, remonte et demande à Allah qu'il t'allège cela, car ta communauté ne supportera pas. J'ai été éprouvé avec Banu Israël, par moi que cela ils n'ont pas supporté. Il a dit ça de par son expérience dans la da'wah. Alors il est remonté vers Allah et Allah lui a allégé, il lui a enlevé 10 prières. Moussa lui a dit remonte, et il n'a cessé de descendre et de remonter jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui recommande, lui ordonne 5 prières. Elles sont 5 en nombre, mais 50 en récompense. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala wa fadlih. Ceci nous montre l'importance de la prière, l'amour d'Allah pour la prière et la grandeur de cette adoration devant les autres. Pendant 3 années avant l'hijra, le prophète alayhi salatu wassalam a prié 5 prières, 2 unités chacune, sauf le maghrib, 3 unités. Puis après l'hijra, c'est resté ainsi pour le voyageur. Mais on a complété au nombre de 4 pour le résident. Exception faite du maghrib, qui est resté 3 unités de prière. Le chemin du retour se fit de l'élévation jusqu'à Bayt al-Maqdis. Puis de Bayt al-Maqdis jusqu'à Al-Masjid al-Haram. Quelle est la sagesse de cet événement? Cheikh Atiya Muhammad Salim rahimahullah nous dit, après le décès de son épouse Khadija, et avant cela de son oncle Abu Talib, puis des nuisances subies par Taif, les gens de Taif, Allah Azza wa Jalla l'a réconforté. Allah Azza wa Jalla l'a réconforté et lui a remplacé les gens de Taif par les prophètes à Bayt al-Maqdis. C'est comme si on lui disait, ils t'ont rejeté, ils t'ont fait du mal, ne t'inquiète pas, on te remplace par une meilleure compagnie, par un meilleur endroit. Aussi, c'est un affermissement pour le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à la sagesse d'avoir commencé par l'Isra, c'est pour avoir une preuve contre Quraysh, car eux ne connaissent pas l'Al-Mi'raj, mais ils connaissent Bayt al-Maqdis. C'est pour cela, lorsqu'ils lui ont demandé de leur décrire Bayt al-Maqdis, il leur a décrit, Allah lui a montré cela, et il leur a décrit. Ils ont dit, quant à la description, elle a été véridique. Abu Jahl s'est moqué de lui, et Quraysh l'a démenti. Puis on a dit à Abu Bakr ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et il a répondu, s'il l'a dit, il est véridique. Alors le prophète alayhi salatu wassalam fit les éloges de Abu Bakr, et il lui a dit, Wallah, la in kana qalahu laqad sadaq. Ça c'est la parole d'Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, anta ya Abu Bakr as-siddiq. Et depuis ce jour il fut surnommé Abu Bakr as-siddiq, comme l'a rapporté l'imam al-Hakim. Al-Isra al-Mi'raj a eu lieu une seule fois, et c'est une des particularités du prophète alayhi salatu wassalam. Personne avant lui et personne après lui ne pourra faire l'Isra et l'Mi'raj. ça montre que c'est le meilleur de la création, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, il est répandu chez beaucoup de monde que l'Isra wa al-Mi'raj a eu lieu la 27e nuit du mois de Rajab. Et ceci n'a pas été démontré ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah dit qu'il n'y a pas de base pour cela. Mais l'avis le plus proche est de dire que l'Isra wa al-Mi'raj a eu lieu dans le mois de Rabi' al-Awwal. Dans le mois de Rabi' al-Awwal. Malgré cela, il n'est pas légiféré de faire une fête, ni des plats particuliers, ni des adorations particulières. Et celui qui s'adonne à cela aura innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'adoration particulière à faire pour cette occasion. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين واغفر لنا وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.